Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors, on avait promis de se retrouver avec Valence, Cabarari. Tu vois, là, j'ai pas écorché. pour parler de son livre, bien entendu, de ses conférences, hein, puisque... C'est un triste anniversaire, hein, cette année, c'est le 25 ans, et 25 ans du massacre, du génocide, il faut appeler ça un génocide, donc des Tutsis au Rwanda en 1994, voilà, 25 ans déjà. Alors, donc on s'est quitté l'autre jour, on a parlé beaucoup de ce qui s'était passé, hein, à partir du 6 avril, 8 avril au soir, 6 avril, ça a le commencé. 6 avril au soir. Le 6 avril au soir, hein, de 1994, donc, qui a rapidement débuté le massacre des Tutsis au Rwanda. Alors, je reprends un petit peu le générique de ton livre, hein. Valence a 7 ans quand commence le génocide des Tutsis au Rwanda, en avril 1994. Il perd pratiquement la totalité des membres de sa famille, mais aussi son village, ses voisins, sa parole. Et c'est tout un pan de sa vie qui s'efface dans l'horreur. Aujourd'hui, Valence, adulte, convoque tendrement le gamin qu'il était. C'est à travers ce regard d'enfant que nous découvrons la montée du racisme entre compagnons de jeu, le déclenchement, la sauvagerie du génocide, la course de survie qui se met alors en place, les pertes, l'humour qui permet de lutter contre la peur, le sauvetage, puis toutes les questions qui se posent. Quand, tout jeune garçon, on devient seul responsable de sa vie et de sa destinée. Un récit universel sur la pulsion de vie. Alors, il faut quand même ajouter que Valence... On dit Valence ou Valence, ça n'est pas... Cabarari et Élise Delage se rencontrent à travers l'ONG Ibuka, c'est bien ça, oui. Mémoire et justice. Ils créent alors ensemble des temps d'échange avec un groupe de jeunes Tutsis rescapés, résidant à Lyon, qui aboutissent à une transmission publique et théâtralisée. Tutsis, parole de rescapés, par les rescapés eux-mêmes. Le jour où Valence souhaite écrire sa propre histoire, Élise l'accompagne dans ce processus de mise en récit. Et vivant, c'est le titre du livre, est le fruit de ce travail à quatre mains. Voilà, j'ai repris fidèlement ce qui est écrit en présentation de ton livre, hein, donc dont le titre est Vivant. On peut souvent se le procurer. Hein, c'est... Oui. Ah, tout le temps. Hein. Oui. Voilà, alors j'ai donné la référence du livre, hein, donc c'est Vivant, Utopia Édition, Collection Latitude. Voilà, alors on s'était quitté, c'est vrai, il y a maintenant presque un mois. Oui. On avait fait une émission ensemble. On s'était quitté véritablement sur un message d'espoir, hein, après ce massacre. Mais il faut peut-être reprendre quelques éléments quand même de ta fuite, de la manière dont tu as pu survivre, et puis surtout, peut-être aussi retrouver l'origine de ce conflit, hein, quand même, la responsabilité des uns et des autres, et pourquoi pas de la France, l'armée française, au Rwanda, hein, en 1994, hein, parce que, comme tu l'avais décrit, hein, la dernière fois, l'origine même de ce génocide... réside un petit peu dans la décolonisation, dans le début des années 90, il y a eu déjà des difficultés, etc. Oui, exactement. Voilà. Alors, tu as présenté une conférence à Saulxures, à la médiathèque. Oui. Tu es un peu armé pour répondre à mes questions. Enfin, à mes questions, j'ai lu le livre, comme je le disais, d'une seule traite, hein, ce livre-là, tellement il est passionnant, tellement il est vivant. Je sais son titre, tellement il prend vraiment aux tripes. Et donc je connais un peu les réponses, des questions que je vais poser aujourd'hui, enfin de ce qu'a pu dire Valence lors de sa conférence, donc c'était il y a 15 jours maintenant. Oui. Voilà. Alors, comment ça s'est passé exactement? On va peut-être pas trop parler du génocide à lui-même, mais de ta délivrance à la fin du génocide, hein, avec le FCR. Hein, le FPR. Le FPR. FPR, oui. Donc c'est Front Patriotique Rwandais, qui est l'armée rebelle, en fait, des Tutsis, qui avait quitté le pays depuis 1959. Se trouvait en Ouganda, majoritairement en Ouganda, parce que quand même tous les pays frontaliers du Rwanda, en fait, il y avait des Tutsis quand même qui se réfugiaient là-bas, et aussi des Hutus aussi, parce que il faut savoir que même si le Rwanda était dirigé par un gouvernement Hutu, parce que déjà les Tutsis, ils n'avaient pas le droit de travailler dans l'administration ou encore de faire la politique tout court. Il y avait une véritable ségrégation, il y avait des cartes d'identité différentes. Il y avait des cartes d'identité. Alors que c'était deux ethnies qui avaient toujours vécu l'une à côté de l'autre. Exactement. Hein, puis qui sont pratiquement de la même origine. Oui, exactement. Donc là, en fait, ils avaient créé donc les cartes d'identité. Et donc, à travers ces cartes d'identité-là, et le président, le gouvernement avait mis en place ce qu'on appelait la politique de quotas. Ça veut dire, c'est ce que j'entends souvent en France quand on parle de faire un quota d'immigration. Ça me rappelle à ça. Parce qu'au Rwanda, justement, ils avaient mis le quota des Tutsis dans tous les domaines. Ça veut dire que dans les écoles, par exemple, les secondaires, quand on voulait intégrer dans une école secondaire, on disait, par exemple, le quota des Tutsis est fini. Donc, on n'a plus de place des Tutsis. C'est-à-dire que ce n'était pas un accès universel. Ah non, pas du tout. Les Tutsis avaient un quota. Et du coup, dans l'administration, c'était pareil. Sauf que dans l'administration, normalement, c'était interdit pour les Tutsis. Dans l'armée, par exemple, les Tutsis étaient... Et ça datait de quand, ce décret, cette loi ? Ça, je ne peux pas savoir, parce que... Oui, t'étais bien jeune. Jeune, oui. Et là, c'est à vérifier. Moi, je sais que c'était comme ça. Après, quand et comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que, par exemple, je me rappelle que ma grande sœur qui arrivait vers la fin de cette étude de primaire, et là, je me souviens que mon père lui avait dit il ne faut pas essayer de faire... Parce qu'à la fin des études primaires, on faisait un examen d'État, ce qu'on appelle examen d'État, et pour pouvoir, si on avait les points qui suffisaient, on pouvait... aller dans les écoles secondaires qui étaient majoritairement faites publiques. Donc ça veut dire qu'il y avait des privés où on pouvait aller quand on avait l'argent, mais les privés aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup des écoles publiques. Surtout des écoles... C'est l'héritage de la colonisation. Oui, parce que tout ça, c'est des écoles... Oui, c'est surtout les écoles catholiques. Donc les écoles publiques et catholiques. Donc pour y accéder, il fallait faire un examen d'État, donc à la fin de l'école primaire. Une fois qu'on a réussi, on pouvait aller à l'école secondaire. Sauf que là, les Tutsis, c'était vraiment rare qu'on a un Tutsi qui accède dans les écoles secondaires. Et donc ma sœur, je me souviens que vu qu'elle était toujours au premier de classe et tout ça, à la fin, mon père lui a dit non, ne fais pas cet examen-là, parce que mon père, il savait qu'il allait faire l'examen. Elle allait probablement gagner le concours, mais il allait être refusé. Donc mon père, en fait, lui, il a joué il s'est dit, ok, au lieu que ma fille, en fait, soit triste parce qu'on lui a refusé, vaut mieux lui interdire de faire ça, comme ça, voilà, il n'aura pas... Oui, parce que finalement, les Hutus, enfin le gouvernement de l'époque, considérait un petit peu les Tutsis comme une élite, quoi, qui voulait aussi écarter. Hein, des gens plus éduqués, plus instruits qu'eux-mêmes, et ils voulaient les écarter. Là, ça remonte à la fin de colonisation, justement. Donc, parce que l'arrivée des Européens au Rwanda, justement, ils ont mis en place l'administration, les écoles, sauf que les écoles... En fait, ce qu'on faisait aux Tutsis, c'est ce que les colons ils avaient fait aux Hutus avant. Parce que justement, avant, les Hutus, ils ne faisaient pas des études aussi. Donc on le disait que non, les Hutus, vous êtes, vous êtes, comment dire. Vous êtes des éleveurs. Voilà, vous êtes des éleveurs. Plutôt des cultivateurs, en fait. Pour élever des vaches. Exactement. Donc, extraire des vaches, quoi. C'était plutôt les cultivateurs, les Hutus. C'était plutôt les cultivateurs. Sauf que, en fait, la classe sociale, je veux dire, parce que là, vraiment, à ce moment-là, c'était même pas des ethnies. Enfin, en tout cas, ce qu'on considérait comme des ethnies après. Là, c'était vraiment les classes sociales. Sauf que, vu que les Européens, justement, ils ont vu cette classe sociale, je veux dire, entre guillemets, supérieure, qui est les Tutsis, qu'on appelait les Tutsis, parce que les Tutsis, ça veut dire, en fait, ça vient du mot Omutunzi, ça veut dire, en fait, quelqu'un qui détient beaucoup de choses, voilà, un riche, quoi. Donc, ça veut dire, il y avait une classe sociale un peu plus aisée, qu'on appelait les Tutsis, mais qui changeait, parce qu'un Hutu aussi qui cultivait, il pouvait changer. Il y avait forcément des unions. Mais voilà. Donc, Des couples. Oui. Des couples mixtes qui se formaient. Il y avait des couples mixtes. Sauf que là, même là, ce n'était pas mixte. Parce qu'avant la colonisation, quand un Tutsi épousait une femme Hutu, donc la femme Hutu, elle devenait Tutsi, en fait. Vu qu'il arrive dans une famille Tutsi. Comme aussi une famille, un Tutsi qui épousait un Hutu. Et si, parce que en fait, là aussi, vu que c'était très, c'était patriarcal, en fait, ça veut dire que si la femme épousait l'homme, la femme, elle allait dans la famille de cet homme. Donc ça veut dire que si c'est une Tutsi qui va épouser un Hutu, sauf que des fois, si elle épouse un Hutu et que la famille de la fille elle est plus riche, souvent c'est l'homme en fait qui devenait Tutsi. Donc ça dépendait en fait de voilà, ça dépendait de, c'était interclasse oui, voilà, sociale, quoi. Exactement. Ouais. Sauf que là, donc, quand les Européens arrivent, en fait, ils étaient fascinés par ce petit pays bien organisé, dirigé par un roi, avec les ministres, avec l'armée, avec en plus très décentralisé, parce que de territoire, en fait, ce qu'on appelait Umudugudu, au Rwanda même aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, Umudugudu, c'est une sorte de petit mairie, quoi. C'était une mairie, mais il y avait plus de 100 habitats, par exemple, et là il y avait un chef. Après, plus de... Voilà, donc c'était très, très décentralisé. Donc c'était très, très bien organisé que pour les Européens, ce n'était pas possible que les Noirs puissent faire ça. C'est pour ça qu'en fait, ils ont cherché une logique pour se dire, OK, À l'époque, c'était les Allemands, quoi. Oui, c'était les Allemands, oui. C'était les Allemands les premiers occupants, colonisateurs du Rwanda. Oui, en plus, avant là... les Belges. C'est la guerre 14-18 qui a fait que l'Allemagne a perdu sa colonie. Exactement, oui. En plus, là, donc, ils arrivent... Ils commençaient déjà à cette époque-là à développer des théories racistes. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en même temps, quand on voit en Europe aussi, à cette époque-là, donc dans les années que vous venez de dire, en fait, justement, en Europe déjà, on avait cette théorie de race. Oui. Donc on arrive aussi en Afrique, on se dit, OK, ça c'est pas possible. Et aucun noir ne peut faire ça. Donc forcément, les classes donc, sociales et supérieures, donc les Tutsis qui dirigeaient justement, parce que pour diriger le pays, donc tu étais Tutsi forcément, vu que tu étais dans une classe supérieure, ils se disent, OK, ce Tutsi-là, ça doit être des Européens qui sont descendus jusqu'ici et qui sont devenus noirs. Donc, ça veut dire qu'ils sont des noirs de peau. Mais à l'intérieur, c'est des Européens comme nous. Donc, ils commencent du coup à les catégoriser dans les classes justement supérieures. Et là, ils commencent vraiment à chercher à théoriser. Ils commencent à mesurer leur nez. Donc, ils mesurent tout. Vu que justement, c'est quand même les Tutsis, justement, vu qu'ils vivaient d'élevage, donc ils étaient grands, ils étaient minces, ils étaient il y en avait beaucoup, le roi à cette époque-là en plus. Et puis il avait certainement une origine égyptienne, éthiopienne. Exactement. Hein, donc différentes de la branche Hutu, qui est une branche des Bantous. En tout cas, c'est cette théorie-là, en fait. C'est cette théorie qu'on a trouvée. Après, des fois, moi, quand je discute avec d'autres rescapés, je dis, même si c'était vrai, même s'il est tout petit, donc ce grand homme avec un visage plutôt fin, avec voilà, et d'autres qui sont plutôt petits avec une épate et tout ça. Et est-ce que même si c'était ça à ce moment-là, déjà au Rwanda, bien sûr, ils n'avaient pas cette notion de Tutsi, enfin d'ethnie. En fait, pour eux, ça ne voulait rien dire. Donc, c'est les Européens qui arrivent en fait et qui commencent vraiment à figer les choses. Oui. Et voilà, alors pourquoi... Mais les Belges ont poursuivi, quoi, pendant toute la phase de colonisation qui s'est étendue de 1918 jusqu'à la libération, en fait. Les années 60, pardon. À 62, au Rwanda, le Rwanda a eu son indépendance en 62. Donc, de 18 jusqu'à 62. Et c'est quand même exception parmi l'Afrique. Il n'y aura pas eu cette division artificielle entre deux ethnies. Le Rwanda aurait fait son petit chemin. On n'aurait pas connu les mêmes vicissitudes que le Congo, par exemple. Oui, voisin. Oui, exactement. Exactement. Oui, parce oui. que le Congo a beaucoup souffert au moment de la décolonisation avec des tensions énormes, des guerres qui se sont déroulées à l'initiative un petit peu des deux grands blocs mondiaux de l'époque, aussi, qui voulaient un peu prendre un peu le contrôle, c'est-à-dire les Américains et les Russes, quoi. Oui. En même temps aussi, moi je dis souvent, en fait, le Rwanda n'a pas souffert vraiment de la colonisation. Ils l'ont payé, en fait, un génocide. Parce que c'est vrai, quand on regarde le Congo, par exemple, quand même, les Congolais, ils ont souffert vraiment de la colonisation. Voilà, c'était des travaux forcés, c'était une souffrance, quoi. Mais au Rwanda, encore aujourd'hui, oui. Mais au Rwanda, c'est vrai que le Rwanda, en fait, vu que, justement, il y avait cette organisation qui existait déjà, les Allemands et après les Belges, ils n'ont pas cherché à faire autre chose qu'essayer de diriger avec justement la classe qui dirigeait, mais en même temps, en essayant aussi de les diviser. Parce que, en fait, ils ont travaillé pour le long terme. Ils n'ont pas travaillé de. Vu que, surtout aussi, le Rwanda, c'est un pays aussi, il n'y avait rien au sous-sort, il n'y avait rien du tout. Il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas de richesse naturelle. Donc, pour... La richesse, c'était l'élevage, c'était la culture exactement. Du sol. Quand je dis le Congo, il faut dire que c'était surtout le Congo ex-belge, c'est-à-dire ce qui s'est appelé à un moment donné le Zaïre, qui a souffert beaucoup de la décolonisation. Même si on ne peut pas exclure non plus le Congo ex-français de tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, mais là, je pense qu'au Congo, il y a eu beaucoup d'enjeux économiques. Hein, les diamants, les richesses de sous-sol, le coltan aujourd'hui, etc. Dans le Kivu en particulier. Oui, de toute façon, le Congo, justement, leur problème, c'est leur richesse, en fait, parce que quand même, c'est un pays très, très riche, mais voilà. Malheureusement, qui était victime de tensions et qui sont suscitées un peu par les grandes puissances. C'est toujours pas les grandes puissances. Ben, je voudrais quand même que tu parles un petit peu de ce qui s'est passé, du rôle de l'armée française, parce que là on aborde peut-être la polémique, hein, puis je sais que lors de ta conférence, là, la personne qui était correspondant pour Vosges Matin a mal apprécié, étant donné que lui-même c'est un ancien militaire, a mal apprécié que tu mettes en cause, sans trop mettre en cause, le rôle de l'armée française, non pas dans le génocide directement, mais plutôt, j'allais dire, dans la préparation du génocide. Après, quel était vraiment le rôle de l'ONU et de l'armée française? Après, en fait, des fois, je comprends les gens. En fait, à l'époque, tu étais trop petit pour comprendre ce qui se passait exactement. Oui, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, des fois, moi, je comprends les gens, en fait, qui n'acceptent pas le fait que la France ait une participation. Je donne un exemple. Moi, il y a un jour où on est allé jouer une pièce de théâtre Tutsi, justement. Dans ce village-là, on a joué la pièce. au bout d'un moment, vu que la pièce, au fait, c'était des témoignages. C'était en France, quand même. C'est en France, oui, c'est en France. Et c'est dans la Drôme. Et là, du coup, pendant qu'on... Parce que vu que la pièce, c'était tiré, c'était des témoignages, au fait. C'était celle dont j'ai parlé, là. Voilà, tout de suite, oui. Donc là, c'était vraiment des témoignages. Sauf que c'était bien théâtralisé, justement. On savait quand est-ce qu'on va se lever, quand est-ce qu'on peut parler, tout ce, de ce qu'on va parler. Et là, dans notre groupe, il y a une fille. Avant, il était catholique et très pratiquante. Et, sauf qu'aujourd'hui, il ne va plus à l'église. Donc, vu que le Rwanda, de toute façon, on était tous catholiques et pratiquants. Donc, elle, du coup, elle a commencé à parler le rôle de l'église catholique. Et là, il y a une dame qui se lève et qui sort. Mmh. Et à la fin, on se revoit, à la fin, elle vient nous voir, elle nous dit, c'est pas contre vous, c'est que j'ai du mal au fait, et quand on parle du mal à l'église catholique. Donc, à part sa croyance, justement, et là, pas, c'est une sorte de protection aussi, se dire, oui, je suis croyant, donc si on commence à parler du mal à l'église catholique, je préfère de ne pas entendre. Donc, c'est pour ça que, quand on parle aussi de la France, enfin, aujourd'hui, c'est mon pays, donc j'aime la France aussi, mais c'est vrai que moi, quand je raconte de ce qui s'est passé au Rwanda, je ne peux pas non plus aller dans les détails parce que je ne connais pas exactement le rôle de la France. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que tout ce que je dis... Et de l'ONU. De l'ONU, de l'Église catholique, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Mais tout ça, tout ce que je dis ici, c'est des choses qu'on... Il suffit juste d'aller sur... Voilà, il suffit juste d'aller sur Internet et de taper tout, vous verrez tout. Sauf que moi, peut-être la différence, c'est que moi, il y a ce que je voyais aussi. Parce que quand même, les militaires... Mais tu rapportes à un moment donné où un prêtre a laissé massacrer des gens à l'église. Ah oui, par exemple. Ça, c'est des faits qu'on peut voir. Et les militaires français, par exemple, le fait que les militaires français ont formé les génocidaires, ça se faisait... On le voyait tous, on le voyait. Donc, en soulignant quand même qu'à l'époque, le gouvernement... officiel du Rwanda était soutenu par l'ONU. Oui. La France a intervenu à la demande de l'ONU. Justement, c'est ce que j'expliquais en fait dans la conférence aussi, c'est que le Rwanda, peut-être c'est le même le désaccord qu'on avait avec la personne que vous parlez, c'est que le Rwanda, c'était un pays dirigé par un président légitime qui a été élu. Donc c'était normal aussi que le Rwanda qui a été attaqué en 90. Par l'armée du FPR, donc les rebelles Tutsi qui étaient à l'étranger, en Ouganda. Donc, le fait que le président au pouvoir demande de l'aide des pays francophones, donc dirigés par la France, donc il y avait l'armée française, il y avait les Congolais, il y avait presque toutes les coalitions faites avec des pays francophones, parce que pour eux, ils défendaient le pays francophone attaqué par les anglophones, donc des Ougandais. Parce que le président du Rwanda, lui, il disait que c'est les Ougandais qui attaquent le Rwanda. Sauf qu'au bout de même pas... Sauf que la minorité Tutsi était écartée du gouvernement. Voilà. Et là... Est écartée aussi des responsabilités de la fonction publique, etc. Voilà. Hein, donc la révolte était pratiquement naturelle, quoi. C'était pas une agression de l'Ouganda. Ah oui, c'était pas une agression d'Ouganda. Déjà, c'était une agression... Enfin, c'était les Rwandais qui vivaient en Ouganda, dans les camps de réfugiés, la plupart. C'était les Hutus. Qui était dans l'opposition aussi, qui faisait discriminer au Rwanda aussi. Qui voulait un gouvernement ouvert. Oui, parce que nous, on parle en fait du génocide contre les Tutsis, mais moi, je pense que si le FPR n'avait pas arrêté le génocide, ils auraient continué pour éliminer les Hutus du Sud. Parce que c'est vraiment les Hutus du Nord aussi qui dirigeaient le pays. Oui. C'est pas, donc ça veut dire que même les Hutus du Sud, en fait, il y en avait beaucoup qui étaient dans l'opposition. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait donc aussi... Donc les génocidaires Hutus étaient des militaires qui étaient plutôt du nord Rwanda. Non, en fait, les génocidaires, je veux dire, la tête pensante du génocide, de préparation du génocide, c'était plutôt, oui, les Hutus du nord. Sauf qu'ils ont fait tout pour... sensibiliser la population pour que ça soit... En fait, il y a vraiment... Le génocide, il est... si tous les génocides des Tutsis du Rwanda, c'est un génocide populaire. Voilà, de propagande. Ça veut dire, en fait, il y avait la radio, il y avait tout pour sensibiliser tous les Hutus. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour dire que les ennemis, c'était les Tutsis. C'est les Tutsis. Donc, ça veut dire qu'à part les Hutus, je veux dire, qui les Hutus, je veux dire, instruits, en fait, et qui savent que... voilà. Sinon, les Hutus de masse, que ce soit du sud aussi, voilà. Même si peut-être à la fin... peut-être les Hutus du Nord, ils ont continué à tuer aussi les Hutus du Sud, mais les Hutus du Sud aussi ont participé aussi dans ce génocide. Donc ça veut dire que le génocide, déjà, c'était un génocide populaire. Oui, la violence était partout. Elle était partout, voilà. Elle était partout, quoi. Quand on pousse véritablement les conflits comme ça, les tensions entre différents groupes sociaux, parce que faut parler plutôt de groupes sociaux plus que de que d'ethnie, véritablement. On arrive à des extrémités comme ça. Qui avait intérêt alors? Il y avait des Hutus, c'est sûr qu'il y avait intérêt à faire ça parce qu'ils détenaient le pouvoir. Mais il y avait est-ce que véritablement des puissances extérieures avaient intérêt justement à diviser, à provoquer ce génocide? Alors, l'intérêt, là, vraiment, ce que je peux dire, moi, c'est ce que moi, je pense. Peut-être que je peux changer d'avis si je vois, un autre point de vue contraire. Mais moi, je pense que l'intérêt, c'était que le Rwanda, en fait, le Rwanda, c'est un pays stratégique. Donc, c'est un pays qui est au milieu à côté du Congo. Surtout le Grand Congo, la grande partie où il y a la richesse, c'est justement, c'est quand même le Nord Kivu. C'est justement, si tu veux, par exemple, aller dans ce Nord Kivu, vaut mieux passer au Rwanda qu'à Kinshasa, parce que c'est loin. Donc pour moi, le Rwanda, déjà, c'est un peu stratégique pour aller au Congo. Et en plus, c'est un peu stratégique parce qu'il est entre, en fait, là, c'est une sorte de pays frontalier avec les pays anglophones et les pays francophones. Donc, oui, c'est un pays, voilà, c'est le carrefour, voilà. Donc, c'est pour ça que, et aussi, il y avait ce. Et puis, il y a le fleuve Congo qui est quand même une voie en partie navigable. Voilà. Il y a le coup. Pour moi, c'est un peu stratégique, en fait. Il n'y a pas de richesse, voilà, mais c'est un peu stratégique. Donc je pense que peut-être c'était ça. Après aussi il y a le fait que le gouvernement déjà au pouvoir à ce moment-là, c'était quand même des gens qui ont le génocide est déjà à partir de 59 jusqu'à 94. On avait divisé, préparé tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, Parce qu'en fait, quand on commençait à diviser les gens... artificiellement monter les tensions entre les groupes sociaux, les ethnies. Quoi. Ouais. Et moi, je dis souvent, la différence, c'est quelque chose qui est très, très facile à trouver, en fait. Donc, si on cherche une différence entre des êtres, c'est très, très facile à trouver. Après, du coup, ils ont trouvé une différence. On a bien trouvé dans l'histoire des différences religieuses, des différences de formes de civilisation, etc., etc., pour justifier tout et n'importe quoi. Oui. Et puis la plupart du temps, pour justement s'emparer des richesses de tel ou tel groupe social, de telle ou telle nationalité ou de telle ou telle religion. Hein, exactement. Je crois que c'est malheureusement un réflexe éternel au cours de l'histoire des nations. Hein, parce que quand on commence déjà à faire une ségrégation, comme ça s'est arrivé pour les Juifs en Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, puisque ça s'est étendu à toute l'Europe, occupée, on arrive effectivement à trouver des différences, à vouloir éliminer telle ou telle religion ou tel ou tel peuple. Voilà, on va peut-être accorder une pause musicale alors que tu as choisi. Alors tu nous la présentes si tu veux bien. Je sais pas, peut-être la chanson de Gaël Faye, parce que c'est une chanson que j'aime. Gaël Faye qui est franco-rwandais, donc c'est lui qui a écrit le Petit Pays. Un livre que j'adore aussi. Oui, c'est un petit pays. Le Rwanda, c'est un petit pays, donc c'est vraiment, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. C'est un réfugié aussi? Non, il est franco-rwandais, donc il est métisse. Donc... Ah oui, il est d'origine. Il est métisse. Donc il est métisse, sa mère elle est rwandaise et son père il est français. D'accord. Bon, on va découvrir. L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain. Ni métisse, ni blanc, ni noir, le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné, et m'ont tout pris, je veux être en paix avec moi-même, et cela à tout prix. Je slame des mots, moi, j'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs, de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Les mots comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flow. Métaphore que je manie, comme le feu la forge. Ils ont partagé l'Afrique, à l'équerre, à l'écart. Dans mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre. J'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Un hommage à la paix pour ce mort au combat. Soldat inconnu, hasta siempre, Fred Ruggema. Écoutez, nous ne sommes pas du même monde. Vous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe. Il fut long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas, sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles, réfugiées, décimées, déracinées, dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé, du pays de Guianga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de l'Ugamba. D'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la pierre d'hydromel. Nyabarongo, à tout jamais, tu es l'encre de ma plume, et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune. Eh bien, nous reprenons l'antenne et dans le livre vivant qu'on évoque aujourd'hui avec Valence, il dit quand le président Habyarimana, je prononce bien, c'est exactement, s'est fait abattre le 6 avril au soir, nous étions déjà au lit. Ah, c'est Valence qui parle. Ce sont les cris et les chants qui nous ont réveillés le lendemain matin. Ikibani. Kinani cyahanutse. Ah oui, c'est L'invisible est tombé. L'invincible, pardon, est tombé. Résonnait dans tout le quartier pour célébrer l'assassinat de celui qui se faisait appeler Ikinani. L'invisible. L'invincible. Pardon. Ce matin-là, ma seule envie était de sortir dans la rue pour chanter avec mes camarades. Mais rapidement, à travers les yeux de mon père, j'ai compris qu'il ne fallait pas se réjouir. Cette fête-là, je n'y avais pas droit. La nôtre allait bientôt commencer. C'est-à-dire le génocide. Oui, oui. Donc peut-être. Alors, pour... qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet assassinat là de un avion qui est abattu? Oui. Donc pour... on ne sait pas qui a abattu l'avion. On ne saura jamais, certainement. Peut-être un jour, peut-être on saura. On ne sait pas pour le moment. En tout cas, c'est que. En tout cas, c'était pas les Tutsis du Rwanda qui ont pu abattre cet avion avec une. Non, ça c'était pas. Déjà, c'était pas possible. Déjà, les Tutsis du Rwanda, c'était pas possible parce que les Tutsis du Rwanda, c'était le peuple, donc ils n'avaient pas les armes, et rien du tout. Donc, si on va. Ils étaient même écartés de l'armée. Ils étaient écartés de l'armée, donc ils se battaient même pas en fait. Si on regarde les Tutsis, ce qu'on appelait les Tutsis, parce que quand même il y avait des Hutus aussi, surtout qu'ils ne voulaient même pas, depuis le début qu'ils ont commencé la guerre en fait, pour entrer au Rwanda, déjà ils ne voulaient pas qu'on les assimile aux Tutsis. C'était des Rwandais qui voulaient rentrer au Rwanda. Donc depuis le début, ils avaient déjà éliminé... Oui, puis il y avait aussi des Hutus parmi. Oui, voilà, parce que déjà il y avait des Hutus. Parce que le FPR, il faut savoir que même le président du FPR, il était Hutu. Le président du FPR, il était autour, le secrétaire, je crois, aussi. Donc, c'était un groupe, en fait, des Rwandais. C'était un groupe d'opposants qui voulaient reprendre le pouvoir. Qui voulaient prendre le pouvoir, c'est naturellement, tout. Parce que là, on était véritablement sous une dictature Hutu, quoi. Oui, oui, on est sous une dictature Hutu. Déjà, la population, même si, enfin, toujours on parlait de ça, mais c'est pas non plus, les Hutus aussi, ils étaient mal en point, quoi, parce qu'ils, voilà, c'était un pays quand même qui marchait mal, quoi. Et donc, déjà, il y avait des Hutus qui revendiquaient autre chose, pas que, côté économie, les écoles, ils étaient pas partout, les écoles, les centres de santé. Qui voulaient, voilà. Quelque sorte, d'une union nationale, voilà, donc, quel que soit le... quelle que soit l'origine. Oui, l'origine parce que on parlait tout à l'heure, en fait, le clivage aussi, c'est dire quoi aussi. Moi aussi, si on réfléchit aussi, je pense que aussi, c'était aussi parce que le président, déjà, il n'arrivait pas, en fait, à faire avancer le pays. Et du coup, le fait de rester dans le racisme, dans la discrimination, et ça tournait le regard, en fait, de d'autres problèmes qui étaient au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, quand même, c'était catastrophique. Oui, il fallait des responsables du marasme. Voilà, exactement. Le marasme économique du pays. Voilà. Et du coup, donc les Tutsis, les Hutus, en tout cas, qui s'opposaient en disant, voilà, ils se retrouvaient en prison ou à l'exil. Les Tutsis, et donc, c'était d'office. Donc déjà, Et là, donc ça veut dire qu'en fait, au front, il y a les Rwandais, en tout cas, qui veulent éliminer le président au pouvoir. Sauf qu'il y avait eu des accords et tout ça. Donc voilà, il y avait des accords. Habituellement, là, il commençait à céder un peu, à vouloir accepter aussi d'autres personnes, d'autres ethnies, d'autres origines. Il devenait gênant pour les extrémistes. Il commençait à devenir gênant pour les extrémistes. Donc c'est pour ça que la thèse, en tout cas, la plus, couramment utilisée par le gouvernement actuel, peut-être, non? Oui, aujourd'hui, oui, voilà, le gouvernement actuel aussi au Rwanda, c'est que l'avion a été abattu par son propre, les préparatifs du génocide de Gistoma. Pourquoi? Aussi, pour moi, c'est ce que je crois aussi, parce que... Par les extrémistes de son gouvernement. Hein? Du gouvernement de Abdelmane Ajistoma, voilà. Donc de son propre gouvernement. Pourquoi? Parce que quand on regarde en fait toutes les étapes, déjà avant génocide, à la radio RTLM, la radio d'extrémistes Ajistoma, ils avaient quand même prédit ça. Ils avaient prédit qu'il allait se passer quelque chose de très énorme et que là, ça serait en fait le signal de commencer le génocide. Donc ils avaient dit qu'ils commenceront par abattre les grands arbres. Ah oui, d'accord. Donc, parce que quand ils ont tué le président, dans la foulée, ils ont tué aussi la première ministre. Qui était en somme, c'était des éléments de l'armée. Et voilà. C'était les seuls qui pouvaient disposer de l'armement pour abattre un avion. Exactement. Certainement. Exactement. Parce que comment on peut dire que déjà... ils tuent le président, si c'est vraiment l'armée du FPR, comment on peut dire qu'ils ont tué le président? Dans la foulée, il y a les gendarmes du président même qui vont tuer le Premier ministre. Parce que là, on sait la pression. Ah bon? Bah oui. Le Premier ministre aussi, voilà. Il tue les 10 casques bleus de Belge. Et après, il commence à tuer d'autres. Donc, c'était bien organisé, en fait. C'était vraiment tout. Donc là, c'est le 6 avril. Et nous, le 7 avril, on se lève. Moi, justement, je me lève. Et tout le monde chante. C'est même pour, en fait, c'est pour montrer que en fait, toutes les histoires qu'on dit, oui, c'est, les Hutus, ils ont été en colère parce qu'on a tué leur président. Mais non, enfin, moi, quand je me suis réveillé... On leur a fait croire. Non, même si on leur a fait croire. Parce que quand je me suis réveillé, tout le monde faisait la fête. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Les Hutus aussi. Parce que là, quand je parle de qui faisait la fête, c'était les Hutus. Les Tutsis, déjà, ils commençaient à se cacher, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, que c'était... Moi, le matin, donc, au 17 avril, c'était la fête au village, quoi. Tout le monde chantait, dansait, que l'invincible est tombé. Donc, c'était... Voilà. Parce que lui, c'est lui qui se nommait, en fait, l'invincible. Et du coup, ça chantait, ça dansait. Sauf que c'est vrai, moi, j'avais envie aussi de faire la fête. Mais je voyais que mes parents, les d'autres Tutsis voisins qui sont réunis. Ils ont compris que c'était le signal de départ. C'était une situation haut risque, quoi, Parce qu'on savait, nous, depuis le début, depuis des années, des mois, on savait qu'un jour à l'autre, il y aura un jour où ils élimineront les Tutsis. Mais Habyarimana, c'est un militaire? Oui, c'était un militaire. C'était un militaire qui est devenu président. Donc, qui avait fait un coup d'État en 1973. Parce que juste il y avait un président aussi Hutu, aussi raciste ou même plus raciste qu'Habyarimana. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'Habyarimana, même quand il a commis son coup d'État, les Tutsis, ils ont cru que leur situation allait s'améliorer. Ah, voilà, mais non. Ils sont très peu améliorés. Quoi. Ah, oui. À continuer cette discrimination. Oui, alors, j'ai pas compris le rôle de l'ONU et puis de l'armée française. Ben, l'armée française, ça veut dire que, bien avant 2004, déjà... 1994. Décidément, avant 1994, donc, l'armée française instruisait les militaires rwandais. Alors, sous la caution de l'ONU, comment que ça se passait exactement? Non, là je ne pense pas que c'est la caution de l'ONU, parce qu'à 90, justement... Les Français étaient déjà là. Oui. Donc 90, l'armée française, le gouvernement est attaqué, et là le président Habyarimana il demande de l'aide, et là l'armée française arrive. Donc là je pense pas que c'est avec, je pense que c'était pas avec la participation de la Nations Unies. Non, là, je pense que c'était un pays tout simplement qui allait défendre un autre pays. En tout cas moi je pense que c'était ça. Parce qu'il y avait aussi, il y avait des Belges, il y avait des Congolais et tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, les Belges et les Congolais, ils se sont rendus compte que c'était pas les Ougandais comme on disait avant, parce qu'ils disaient que c'est les Ougandais qui attaquaient le Rwanda. Donc un pays anglophone qui attaquait un pays francophone. Et là, il y a des pays qui ont aidé. Donc il y avait aussi les Sénégalais qui ont aidé Habyarimana. Ils ont commencé à partir. Et les Français et... Parce que là, au début, il faut savoir que les Français... L'OUA qui était oui, dedans. Oui. Ah, voilà. Donc, il faut savoir que là, l'armée française, ils étaient au front. Ils se battaient contre le FPR. C'était pas... D'accord. Voilà. Donc, ils étaient au front, ils se battaient contre le FPR. Et après, ils ont arrêté de se battre contre le FPR. Ils ont dit qu'ils ont gardé... sécuriser la ville de Kigali. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas de mandat de l'ONU. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc là, ils sécurisaient la ville de Kigali. Et là aussi, ils instruisaient aussi les militaires. Sauf que les militaires, après, c'est là où aussi on dit, est-ce qu'ils savaient qu'ils instruisaient les Inhera Amwe, donc Est-ce que les militaires français savaient qu'ils instruisaient des futurs génocidaires? C'est la grande question, en fait, pour moi, en tout cas. Donc oui. Moi, je me demande, est-ce que... Parce que je pense qu'on les donnait des jeunes et on disait, c'est des militaires. Nous, on savait que c'est des milices de Rabzalimana, dit président, par leurs habits, par leurs chansons. C'était des milices ou des armées ou l'armée? Non, c'était pas l'armée. C'était des milices. Ah non, c'était milices. Et les milices avaient été instruites par les militaires français. Ah oui. Ça, c'est des choses à vérifier sur Internet. Vous tapez, vous voyez, il y a des photos, il y a des vidéos, on les voit. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une commission d'enquête justement sur le rôle de la France au Rwanda pendant ce massacre, pendant ce génocide des Tutsis. Enfin, il n'y a pas eu que des Tutsis, il y a aussi des Hutus. Il y a aussi des Hutus. Et puis les populations du Sud, les populations du Sud n'ont pas été concernées, du Rwanda. Non, c'était qu'avant. Parce qu'il y a une troisième ethnie quand même au Rwanda. Au Rwanda, oui, il y a une troisième ethnie, un peuple qu'on parle peu ou pas du tout, c'était des Twa, donc ça c'était les Twa, oui, qui, enfin, ils n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas concernés parce que c'est vraiment c'est plutôt la partie boisée, oui, voilà, les forêts, voilà, les voilà, forêts du côté Rwanda. Surtout côté de forêt, il y en avait qui s'intégraient dans la population, qui faisaient d'autres métiers, mais après ce n'est pas beaucoup. C'était des nomades. Moi, ce que j'explique dans mon livre, en fait, les toits, à la base, c'était vraiment soit les artistes, c'est eux qui faisaient, comment dire, qui fabriquaient les pots. Donc, ils faisaient de tout ce qui était. Artisanat d'art. Exactement. Donc, soit ils vivaient à côté de la forêt parce qu'ils faisaient la chasse aussi. Ou soit ils habitaient dans la population aussi, mais ils étaient tout le temps, même s'il y a une population qui a été discriminée vraiment, c'était les Twa. Parce que, et je me souviens qu'ils n'avaient pas le droit de manger avec, c'était les intouchables, comme on parle, ah bon, les intouchables. Comme vous, les intouchables en Inde. Ah oui, en Inde, oui. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de manger avec les autres, ils n'avaient pas le droit de boire sur le même, voilà, ils étaient vraiment discriminés, quoi. Et du coup, moi je pense que même les façons de les discriminer à ce point, c'est même pour ça qu'on n'a même pas fait attention, en fait. Moi, des fois... Oui, j'étais vraiment à part. Oui, voilà. Il y a... La population. Quand je parle... Ils ne participaient à rien du tout. Ils étaient dans leur secteur, point. Voilà, en fait, c'était des intouchables. C'est déjà qu'on... Voilà, ils étaient là, mais... Il y en a qui ont participé au génocide quand même, qui ont tué aussi les Tutsis. Mais c'était soit... Ils voulaient aussi s'intégrer dans la population Hutu parce qu'ils cherchaient à prouver quelque chose. Mais sinon, c'était une population qui n'était pas concernée, qui se sont marginalisées depuis le début. Depuis, même pas dans la période de colonisation. Même pas la. Donc, ils sont pas. En fait, ils ont été vraiment. C'est comme des étrangers. C'était plutôt à l'origine des chasseurs-cueilleurs. Oui. Voilà, ben on va peut-être accorder une dernière pause musicale, parce que l'heure tourne vite, hein, n'est-ce pas? Yari kubyisanye njumi ngiye bumbye makumya birindi impamo yeah butumwa yiya agira kaganya kana gatoya aba yarabye yivugiye n'impamo yeva ndukira nabusohoje nkabane muse ukonga nuku ye baba ye mana we gomora ce docteur-là, il est en France. D'accord. Oui, on reprend l'antenne. Il faut excuser, la discussion restait bien sûr pendant cette pause musicale. Alors, c'était le même groupe que tout à l'heure. Mm-hmm. Tu me dis le nom du groupe, au fait. Ah, la référence de la pause musicale. Ah, d'accord. Oui, la musique, c'était Cécile Cailley-Bois, donc c'est une Rwandaise qui habite à Bruxelles et qui a fait cette chanson-là pour la 20e, je crois, pour la 20e commémoration. Donc c'est une chanson qui s'appelle « Ubutumwa », ça veut dire « Le message ». D'accord. Donc voilà, dans sa chanson. Donc j'ai choisi la chanson-là parce que c'est une chanson aussi qu'on utilise dans la pièce de théâtre que j'ai écrite. Et que je fais partie aussi, qu'on est en train de faire ensemble. Là, je n'ai pas bien entendu les paroles, elles ne sont pas françaises. Non, c'est un Kinyarwanda. Ah oui, c'est rwandais. Là, on essaye... Un concrètement groupe qu'on a eu avant. Avant parce que Ava, c'est un artiste français. Bon, enfin, il est franco-rwandais, mais... Parce que là, voilà. C'est... Tandis que là, c'est une Rwandaise. En plus, elle est... Comment dire? Elle est vraiment... Elle fait des chansons traditionnelles... De danse traditionnelle, donc c'est vraiment il est dans la musique plutôt traditionnelle. Dommage, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de la culture rwandaise, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Pour une autre fois. On a le temps de revenir. Hein. Alors, comme tu dis, ma vengeance a été de vivre, tout simplement. C'est une vengeance qui dit le projet chez notre sidère n'a pas marché, hein, puisqu'il y a quand même eu des survivants. Et pour moi, c'est la seule vengeance qui puisse réellement faire échouer le génocide. Il faudrait que tous les rescapés essayent de vivre en faisant tout pour être heureux et prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas facile, mais c'est là une vraie vengeance. Et c'est devant mon village entièrement détruit que j'ai pris cette décision. Je ne pouvais pas partir ainsi. Il fallait que je devienne un autre. De Valence, à qui tout restait à écrire. Et c'est pour cela que j'ai fait les démarches pour prendre le nom de mon père. J'étais Valence, Cinda et Gaïa. Cinda et Gaïa, oui. Cindy, ouais. Et je suis devenu Valence Cabara. Oui. Voilà, c'est parmi la conclusion de ton livre hein, que je reprends. Oui, et puis tu dis à un moment donné, de toute façon, le pardon, est-ce que vraiment c'est génocidaire, enfin ceux qui n'ont pas été exécutés, est-ce qu'ils se sont pardonnés eux-mêmes? Oui, non, c'est parce que le pardon, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est le sens du pardon. Parce que pour moi, on demande pardon une fois qu'on s'est pardonné. Donc moi, si je commets une erreur, si je ne me suis pas pardonné, je ne veux pas oser à demander le pardon à quelqu'un d'autre. C'est tout que le mot a un sens. Nous, en Kinyarwanda, le mot pardon, kubabarira, ça veut dire souffrir à la place de l'autre. Ça veut dire qu'au fait, quand on demande à quelqu'un de nous pardonner, c'est comme si on lui donne le fardeau. C'est comme si on lui dit, voilà, je souffre, donc je veux que tu m'aides. Donc là, il faut avoir une sorte de complicité, il faut avoir... On ne demande pas pardon à n'importe qui, on demande pardon vraiment à la personne avec qui on a... Comment dire? On se sent à l'aise aussi, avec qui on se comprend. Donc c'est comme si je lui demande vraiment de m'aider. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que le pardon, c'est un mot qu'on peut utiliser même dans le cadre du génocide? Pour moi, non. Et pour finir, en fait, là, justement, sur la conclusion là, que tu viens de lire, c'est que, justement, le livre, avant, quand je l'ai commencé, le titre, c'était « Ma vengeance ». Après, c'est le choix d'éditeur, en fait. Quand ils ont lu à la fin, ils m'ont dit « Mais nous, ce qu'on retrouve dans ce livre, c'est vivant ». J'ai dit « Ok, c'est un bon mot aussi, on peut le prendre comme titre ». Mais c'était « Ma vengeance », et pourquoi? Parce que, après un génocide, toujours les questions qu'on me pose tout le temps, c'était « Est-ce que tu n'as jamais voulu te venger ?» Et du coup, je me dis « Mais... » La question déjà, que tu poses à ce livre. Oui, voilà. Et c'est, une question que moi, je ne me suis jamais posée, mais après je me suis dit « Mais est-ce que vraiment je n'ai pas voulu me venger une fois ?» Et du coup, je me rends compte que tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis que je suis justement, que je survécu ce génocide, je me rends compte fait, que tout ce que j'ai voulu faire, c'était de me venger. Parce que rétablir la vérité, de vivre en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de rescapés quand même qui n'arrivent pas. Et vivre à travers ton témoignage. Oui, il y a beaucoup de rescapés jeunes, par exemple, qui sont tombés soit dans la drogue, soit dans l'alcool. Parce que c'est pas. Voilà. Et c'est plus simple en fait. Moi, je dis souvent, c'est simple à se laisser aller. Voilà. Quand il y a quelque chose qui est lourd, c'est le plus simple, c'est de se laisser aller, de fumer, de s'alcooliser, c'est plus simple. Mais du coup, je me suis rendu compte que oui, la vraie vengeance, c'est de vivre et d'essayer de partager justement mon vécu. Faire partager, témoigner, faire partager un petit exactement. Peu cette histoire tragique du Rwanda. Mm. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Hein. C'est vrai. Tu prévois des conférences aussi encore, d'autres conférences Pour le moment, non. S'il y en a qui m'invitent, j'étais en Allemagne. Ce week-end, j'étais en Allemagne. Donc voilà. Et s'il y en a d'autres qui ont envie de m'inviter, s'il y a dans les associations, dans les écoles. Alors, on lance un appel, l'intermédiaire d'un radio local, hein, si vous voulez effectivement développer, parce que ça a duré quand même 3 mois, ce génocide. Hein, oui, exactement. 25e anniversaire, il se terminera le 4 juillet. Malheureusement qu'au mois d'août, hein, ou septembre, hein, là où tu étais délivré par l'armée du FPR. Oui. Voilà. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Valence. Et puis je vous rappelle le livre. Hein, vous pouvez vous le procurer auprès de Valence. Les éditions Utopia Vivant. Valence Cabarari et Élise Demage.